Chapitre 22. J'étais assis sur une pierre dans la lande. Le soleil brillait. Je fumais. La lande était brune et jaune, mais à certaines places, elle avait une cicatrice fraîche. C'était là qu'il gisait. Chaque fois que mon regard tombait sur la cicatrice fraîche, je pensais, c'est là qu'il gise. C'est là aussi que gît Joe Gordon, avec sa tempe fendue et sa petite moustache. Durant quelques jours, je ne pus m'empêcher de repenser toujours la même chose. Il y avait dans l'air comme une odeur de cadavre, puis j'en arrivais à considérer la cicatrice fraîche dans la bruyère d'un œil raisonnable. Oui, ils gisaient là, et on pouvait les dire heureux. Ils étaient morts d'une mort magnifique et sauvage. Vous là-haut, les dieux, faites-moi mourir comme eux. Écrasez-moi sous des blocs de roche ou des carreaux de foudre. Anéantissez-moi dans un tamponnement de chemin de fer ou sur la mer sauvage, peu importe, mais ne me laissez pas mourir dans mon lit comme une vieille femme. Voilà ma prière. Je ne regardais plus la cicatrice fraîche dans la bruyère. Une sorte d'engourdissement s'était appesanti sur mes sens, mais maintenant c'était passé. Je faisais retentir sur la lande le son clair de ma petite flûte. C'était la mort, pas davantage. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. À nous la vie. Olé! Ce jour-là, je trouvais là-bas, près des rochers, la moitié d'un mât. C'était peut-être à cette pointe que le noir s'était cramponné. J'allai chercher ma hache et je me mis au travail. J'attaquais le mât à différents endroits. Quel son étrange il rendait! Il était une partie du cadavre d'un steamer. Les copeaux volaient, ils étincelaient dans le soleil comme s'ils commençaient à brûler. J'étais au milieu d'un grand feu éblouissant. Quelques pêcheurs vinrent avec des haches et des scies. Ils s'arrêtèrent et me regardèrent. « Du beau bois que tu as trouvé là. »« Oui, il est sec. »« Ça va donner un fameux tas. »« L'hiver est long. » Je ne leur parus pas avoir l'air d'un homme qui, ayant une hache en main, laisse un mât en plan, et ils passèrent leur chemin. Ma hache étincelait et la sueur ruisselait sur mon visage. Les grandes différences atmosphériques s'étaient égalisées et l'air était pur et transparent comme une lentille. On apercevait les récifs les plus éloignés autour desquels jouait la mer, chaque faille. Tout était proche et tranché, ma hache résonnait, et quand je sifflais, cela rendait presque le son d'une flûte. Le ciel éblouissait, et la mer était d'argent liquide. Ça et là, une raie de lumière étincelait comme une coupure, les vapeurs passaient tranquillement au large, et leur sillage persistait des milles durant, derrière eux, comme une route. Le rivage était couvert de salades rouges vifs et verts crus, avec de grands tuyaux et des houles. C'étaient des algues, semblables à des poumons et à des entrailles que la mer aurait crachées. De véritables remparts de varechs, à l'odeur puissante, bordaient le rivage, peuplés de millions d'insectes et de mouches. Quand on passait devant, on les entendait pétiller et crépiter, comme si les remparts commençaient à brûler. La vie vient où il y a de l'ordure et de la chaleur. Chaque fois que mon regard embrassait l'île, je ne pouvais m'empêcher de sourire avec mépris. Comme elle avait l'air ensoleillée et pacifique. Elle ne pensait plus à l'Indiana, qui gisait là, avec toutes ses barres de cuivre dans le corps. Elle avait oublié tous les vapeurs qui se heurtaient le nez contre les récifs, reculaient et sombraient, et tous les voiliers qui, dans la tempête, accouraient au galop dans ses dents. Elle avait oublié aussi ce vapeur de l'Union Castle Line. Alors périrent 220 hommes. Elle avait oublié tous ces cadavres qui furent rejetés, un à un, et dont personne ne savait d'où ils venaient et quels étaient leurs noms. Assez! Elle ne pensait plus non plus à ces 24 naufragés qui arrivèrent un jour dans un petit bateau et qu'elle broya avec le salut certain devant leurs yeux. Elle s'étendait souriante et clignait de temps à autre vers la mer, enveloppée dans ses voiles d'été. Elle était pareille à l'une de ces femmes dont les joues sont délicates comme de jeunes pétales de rose et qui ont causé la perte de 25 hommes. Mais tu passes devant elle et tu te signes et tu dis « Sainte Innocence ». C'était la mère de Dieu, ou pour le moins une de ses plus proches parentes. Je me mis à rire. « Seigneur, mon Dieu, envoyez-la sur ma route !» Le quatrième jour, le mât était arrimé dans la villa des tempêtes, et je dus encore empiler un gros tas devant la porte. À présent, il était là, ce mât, qui avait couvert tant de milles de mer, et de lui émanait encore le soleil des mers lointaines et le parfum des côtes étrangères. Chaque fois que je brûlais une bûche, je voyais des choses extraordinaires, des perroquets et des singes qui se balançaient par la queue, des négresses, d'un noir de jais, et un vapeur qui voguait sur la mer déserte, dans les nuits nuageuses et lunaires, et ses mâts s'éloignaient, calmes et fiers. Chapitre 23. Durant tous ces jours, je n'aperçus pas l'ombre de Rose Eyre, et pour dire la vérité, je n'éprouvais pas non plus le désir de la voir. À mon grand étonnement, je fis cette découverte qu'un changement s'était produit en moi. Mon cœur battait suivant un autre rythme. Mes pensées avaient pris un autre cours. Je considérais l'univers entier sous un angle différent, plus obliquement, si je puis ainsi dire. C'étaient les grandes tempêtes qui en étaient cause. Elles avaient usé et poli mon âme, et en avaient balayé toute la poussière. Quand je jetais un regard en arrière, je secouais la tête, plein d'étonnement. Combien de mois avaient donc passé depuis les grandes tempêtes et le naufrage de l'Indiana ? Tout cela était loin derrière moi, pâle et lointain. La tempête m'avait mis en mouvement, et je constatais à ma grande satisfaction que mon âme naviguait à toute vitesse et dépassait les choses. Je regardais droit devant moi, advienne que pourra, tout événement me serait le bienvenu. Jean-Marie me raconta là-bas à la pêche que Rosaire riait et criait et avait une de ses plus graves attaques d'hypocondrie. J'avais pitié d'elle, mais je ne sentais rien d'autre. Puis j'appris qu'elle allait beaucoup mieux, cela me réjouit. Je pensais par moments à son ivresse amoureuse et à la passion démesurée qui habitait son petit corps brun. Mais si tu venais maintenant, Rosaire, je te dirais « Bonjour, comment vas-tu » et rien de plus. Oui, si la reine de Honolulu venait, elle dont on prétend qu'elle dépasse toutes les femmes en séduction, je lui dirais « Bonsoir, madame » et je soufflerais dans le tuyau de ma pipe. Pouf ! C'était la mer et rien d'autre. J'ai connu des marins à qui, du jour au lendemain, poussait une âme frappant neuve et qui, avec une incompréhensible naïveté, laissaient tout derrière eux, dettes, promesses, remords. Oui, maintenant je les comprenais. Mon passé avait été comme emporté par le vent et j'étais juste sur la ligne de démarcation entre le passé et l'avenir et je m'en réjouissais. Pas si bête que de me procurer tout de suite un nouveau passé. Non, je goûtais à plein trait cet état merveilleux. Marcher dans la vie avec un cœur nouveau-né. Je vivais seul et le Seigneur m'envoyait des illuminations. Je tendais ma ligne dans les rochers, car nous avions une faim terrible, Poupoule et moi. Sur les rochers, il y avait de petites mares recouvertes d'une croûte de glace jaune et creuse. C'était le sel des tempêtes. Ici, le poisson était rare et souvent il me fallait attendre des heures avant qu'il mordît. J'étais assis et la mer battait. Et les pensées passaient dans ma tête. Boum ! Dans ma tête, un coup de fusil partait. Ah ! J'étais à la chasse dans le nord du Groenland, et je tirais des ours blancs. La respiration de la mer devenait plus faible. Je l'entendais, même sans y prêter attention. Là-bas, les récifs grandissaient. Lentement, ils poussaient hors de la mer, comme la gueule d'un hippopotame qui se lève peu à peu de l'eau, laissant dégoûter de ses dents la vase et les immondices. Le rivage montait. On entendait un ruissellement comme au printemps dans les forêts. Partout, des cascades écumeuses se précipitaient à la mer. Le ruissellement s'apaisait. Ce n'était plus qu'un bruit de gouttes, puis le silence complet. La vague lapait comme font les petits chats et batifolait avec les rochers, marée descendante. Les mouettes grinçaient et stridaient. Des ondes de parfums mielleux montaient du sein dénudé de la mer. Je descendais, car il me fallait être au beau milieu de l'odeur maternelle de la mer. Les rochers, fumant de lourdes vapeurs, étaient couverts de durs coquillages côtelés et de bulbes gélatineux qui tremblaient quand on les touchait. Beaucoup disparaissaient sous des panaches visqueux, et sous mon pied grésillaient des palmes charnues, longues de plusieurs mètres, et des tubercules creux. De petites mares vertes s'étalaient entre les pierres. Elles avaient l'air de lilliputiens jardins enchantés. Au milieu poussait un palmier élancé, sous lequel se tenait un poisson minuscule, le maître du jardin. Une palpitation soudaine, le poisson n'était plus sous le palmier. Il s'était enfui dans la bordure de sombres bosquets de lauriers. Sur les allées de sable jaune du jardin gisait un chapeau oublié, un petit chapeau rouge avec des franges vertes. Tout à coup, le chapeau rouge se mettait à monter, les franges faisaient un mouvement de respiration, un petit coquillage ramait d'une grotte à l'autre. Non, le petit poisson n'était pas l'unique habitant de ce jardin enchanté. Le jardin était grouillant de vie. Une poignée de cette vase jetée sur une planète déserte, Poupoul et nous réapparaîtrons tous les deux, exactement comme nous voilà, et la langue te pendra hors de la bouche exactement comme maintenant. » Les mouettes s'envolaient, affairées, de petits poissons dans le bec. Les étoiles de mer se racornissaient au soleil, se décoloraient. Il leur venait des taches enflammées. Sur les grosses éponges de pierre poreuse, la toile d'araignée des mousses séchait en dégageant une buée et devenait blanche comme de la cendre. Le parfum de la mer devenait si doux et si capiteux qu'il vous donnait la nausée. La vague arrivait en sautillant, jouait entre les pierres et se couchait à mes pieds, obéissante comme un chien. Mais la vague suivante frappait contre mes souliers et sifflait méchamment. J'étais forcé de reculer. De nouveau, les rochers plongeaient lentement sous la mer. Une fois de plus, les cascades commençaient à ruisseler. Là-bas surgissait un arbre de corail blanc qui se tordait sur lui-même et s'écroulait. La lame accourait, serpentait, coléreuse, entre les blocs, gargouillait, chemintait et léchait toutes les places sèches. La mer revenait, elle tonnait et bondissait en heurtant les rochers, et le vent emportait l'embrun sur la lande, marée montante. Ces jours-là, le soleil, bloc rouge incandescent, s'enfonçait dans la mer, toujours à la même place. Il en fut ainsi durant bien des jours. Yann me fit une visite à la Villa des Tempêtes et nous fêtâmes notre réconciliation. Au fait, à propos de quoi nous étions-nous disputés, disions-nous tous deux, et nous nous regardions avec émotion. Puis nous allâmes à la chasse, car Yann avait apporté son fusil, un fusil à aiguille démantibulée qui était rattaché avec du fil de fer. Il lui venait de son arrière-grand-père, général sous Napoléon Ier. Mais comment il pouvait tirer avec ça, c'était pour moi une énigme. Mais il tirait avec ça. Il brûlait de passion pour la chasse. Il tirait sur les mouettes, les hirondelles de mer, les moutons, sur tout ce qui vivait. Des gerbes de fumée flottaient sur la lande, cela sentait la poudre comme après une bataille, les moutons couraient en rond comme des fous, et pourtant Yann était le moins dangereux des chasseurs qui fût. Il ne touchait jamais rien, Dieu sait où, s'envolait ses balles. Puis l'idée lui vint de chercher des champignons. Oh oh, il savait bien où on les trouvait. Et effectivement, ils étaient là. Nous les fîmes rôtir dans un pot, tant et si bien que tous nos champignons eussent pu tenir dans un dé à coudre. Nous les mangeâmes en clapant de la langue et nous nous tordîmes 2 jours dans les plus effroyables coliques. Yann n'y pouvait rien comprendre. « Tiens, dit-il, l'année dernière, c'était pourtant des champignons. » Nous tendions un filet dans la baie et entre-temps, nous restions assis, à demi-nus, sur le pont brûlant du travailleur, à nous entretenir des ballons dirigeables, tandis que Yann tricotait un bas avec ardeur. « Eh ! » dit Yann, « n'allons-nous pas entreprendre un petit voyage d'exploration ce soir ? Maintenant que c'est l'été, elles sont toutes en folie. » « Merci, je n'en avais nulle envie. » Chapitre 24. Puis un beau jour, tout d'un coup, l'homme est ainsi fait, j'en eus assez de marcher dans la vie avec un cœur pareil à une page blanche. Et je résolus de me procurer à nouveau un passé. J'allai au village et passai en revue les filles de l'île. La chance me sourit, mes yeux tombèrent sur Yvonne, la fille d'Amoric. Je faisais des emplettes chez Joël. La boutique-bar de Joël, avec toutes les chandelles et les cordes pendant du plafond, avait l'air d'une grotte de stalactites. Et pourtant, c'était le centre intellectuel et social de l'île, et la vie y battait son plein. Le gros facteur et chef de la poste était assis à sa petite table et rassemblait des forces pour le prochain jour de courrier. Contre les sacs de farine se tenait le grand-père, un ancien capitaine de navire, aux fumerons tordus, à force d'être resté debout sur les planches, il somnolait comme un mulet tombé en méditation. Toute l'année, il se tenait là et ne disant jamais un mot. Une fois, je me risquai à lui adresser la parole. « Ça marche, capitaine ?» Il se tourna lentement vers moi, me regarda d'un air étonné, remua les mandibules et dit « Merci ». Puis il se retourna et reprit sa position. Le Rubicon Joël vaquait derrière son comptoir, suant de zèle et de bien-être. Par moments, il commandait d'une voix haute et sonore « Antoinette, Joséphine, Maria !» Et les petites servantes aux coiffes blanches, qui fourrageait dans les coins et les trous sombres, répondait sur un ton chantant « Oui !» et étouffait un juron. Joël me proposa un concert de petits verres. C'était son habitude. Il tenait toutes les grandes marques du monde, et c'était moi, avec mon palais européen, qui était chargé de les goûter. Je pris le premier petit verre et m'en arrosai le gosier, je pris le second, le troisième. « Hein ?» Joël faisait des yeux extasiés. « Bon, bon !» Joël riait que la bave lui en giclait de la gueule. « Ah ça, c'est de la fine liqueur !» Joël pivotait sur les talons et se tapait la cuisse. « Oui, ça, c'est de la fine liqueur, ma parole, hein. À Paris, ils n'en boivent pas de meilleur. Antoinette, Joséphine, Maria, il faut allumer la lampe. »« Oui, nom d'un chien. » Pendant qu'on allumait la lampe, tout le monde demeurait silencieux. C'eût été mal élevé et grossier de parler pendant cette opération. Antoinette grimpait sur la chaise et Joël se tenait près d'elle, paternel et inquiet, prêt à la rattraper. « Fais attention, le bec breveté. Tournez lentement. »« Bonsoir, » disait Antoinette. « Est-ce qu'il ne brûle pas superbement, le bec breveté ?» demandait Joël. « Oui, ah ah, 15 francs que m'a coûté cette lampe. Admirable !» Dans le vestibule, des sabots claquetèrent et déjà on savait qui arrivait. C'était Gaston Grouzen, Gaston le fou. Il avait été 8 ans en Californie et avait mis de côté 1 000 $. À présent, il était occupé du matin au soir à courir d'auberge en auberge pour se débarrasser au plus vite de ses dollars. « Voilà Gaston le fou !» dit Joël en riant. Il lui prépara son verre. Gaston Grouzen retira un instant de sa bouche sa pipe de terre rongée jusqu'au fourneau et ingurgita la goutte. Ah ! Alors il m'aperçut. Il me prit dans ses bras et frotta contre ma joue son visage hérissé de piquantes barbes. Puis il me montra, comme chaque fois, une cicatrice sous son œil gauche. « À la guerre contre les Prussiens, mi California, you have match, welcome !» Il était disparu, il n'avait pas de temps à perdre. Une troupe de pêcheurs entra, ils graillonnaient et crachotaient. Mais ce graillonnement et ce crachotement étaient une conversation. Il fallait seulement ouvrir les oreilles. Yann arriva aussi et nous nous régalâmes mutuellement de gouttes de toutes sortes. Étrange animal que l'homme. Lorsque Yann était venu à terre pour la première fois, après sa téméraire équipée, nous lui avions serré les doigts à les briser. « Bravo, Yann, filou !» Et Yann avait haussé les épaules. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Maintenant que personne n'en parlait plus, Yann ne pouvait s'empêcher de pérorer sur son exploit toute la journée et de tirer les journaux de sa poche, et nous lui en voulions. « Le travailleur est un bon bateau, » dit le gros chef de la poste. C'était un chien envieux. Yann l'aplatit d'un coup de gueule. « Cochon, qu'est-ce qu'un lécheur de timbres comprend à la navigation ?» Je ne dis pas que c'était un exploit, mais ce n'était pas facile de tenir ce vieux ponton si longtemps dans le courant. « Hé, ferme ta gueule de bois. Tu peux y mettre 10 capitaines, ils n'y arriveront pas. » Yann et le chef se détestaient cordialement. Ils ne parlaient l'un de l'autre que le dégoût aux lèvres. Et Yann tourmentait le gros chef du mieux qu'il pouvait. Quand il n'avait absolument rien à faire et qu'il était de bonne humeur, il faisait quelque chose d'inouï. Il frappait au guichet de la poste. Cela arrivait rarement et c'était le plus mauvais tour qu'on pût jouer au chef. « Allô ?» Le chef ronflait à l'intérieur et Yann frappait plus fort. Le chef sursautait. Malheureux, il venait au guichet. Un timbre d'un sou. Yann allait dans un bar et une demi-heure après, il frappait de nouveau. « Allô ?» Malheureux ! Criait de l'intérieur le chef désespéré. « Encore un timbre, j'avais complètement oublié. » Yann riait à s'étouffer, mais une demi-heure après, il était là de nouveau. « Allô ?» Le chef pestait. « Malheureux ! Un timbre d'un sou ! Oh là là ! Quelle formidable correspondance j'ai aujourd'hui !» Le chef devenait bleu de colère. « C'est de la chicane, tout simplement. » Mais Yann frappait avec son sou. « Voyons, je paie. Fais ton service et ferme ta gueule. » Une demi-heure après, il était là de nouveau. « Oh, oh, oh !» Le galopin à la culotte dépenaillée se glissa dans le bar. Il me tendit la main. « Une prise de tabac, monsieur, j'ai du papier. » En effet, il tenait entre ses doigts sales une feuille de papier à cigarette toute chiffonnée. Mais avant que j'aie pu lui donner du tabac, Yann avait lancé une pelle entre les jambes du galopin qui se sauva. Yann traitait le galopin comme un chat. « Ah ah ah !» Le grand-père momifié se tourna et éternua. Dans le bar de Joël, la vie ne s'arrêtait pas un instant. Un pêcheur, pâle comme la mort, entra, alla vers Joël et lui murmura quelque chose à l'oreille. « Ah ah ! » Joël éclata de rire. « Paie les 10 sous que tu me dois, et je te referai crédit. »« Mes enfants n'ont rien, » murmura le pêcheur. « Bah, travaille !»« Je suis malade. »« Malade ? Ah ah ! Tu connais mes principes, l'ami. » Le pêcheur blême hocha la tête et repartit. « Il me mangea la chair sur les os, » s'écria Joël. « Oh là là ! Voilà comme il était !» Il tirait tous les sous de la poche des pêcheurs, leur vendait du pain moisi et du 3-6 grossier, éclatait de toute sa grasse nourriture et des bons coups de vin, possédait une maison et un harem de petites servantes rondelettes qu'il engrossait à tour de rôle, mais dès qu'il s'agissait de faire crédit, le roi de l'île n'entendait plus la plaisanterie, et les pêcheurs trouvaient cela tout à fait dans l'ordre. Tous avaient déjà oublié le pêcheur blême quand Joël cria très haut « Antoinette, Maria, il faut porter une miche de pain à Breton tout de suite. Dites que c'est Joël qui l'envoie. Il faut aussi lui porter un pot de lait. » Et aux hôtes du bar, il dit « On ne peut pourtant pas laisser les gens crever de faim. » Et il soupira. Tel était Joël. Il avait bon cœur. Il faut lui rendre justice. C'est à ce moment que mes yeux tombèrent sur Yvonne, la fille d'Amoric, le gardien du phare de Créache. Elle venait acheter du pain. Yvonne était belle. Te rappelles-tu ? Une fois, au printemps, une jeune fille était venue à passer devant la villa des Tempêtes en faisant claquer ses sabots. Elle cherchait ses moutons, et je baisais sa nuque brune. « Yvonne, dire que j'ai pu t'oublier si longtemps !» Yvonne avait le visage brun et le front haut et brillant. Quand elle souriait, des fossettes apparaissaient sur ses joues, et les joues aussi brillaient. Ses yeux étaient noirs comme du jais, mais le plus beau c'était ses cheveux. Ils étaient soigneusement séparés sur le front par une raie et d'un éclat noir comme la crinière d'une jument, mais doux comme de la soie. Joël lui montrait de la bienveillance. Il mit de côté la miche qu'elle avait choisie et lui en chercha une autre. « Prends celle-ci, Yvonne, c'est la meilleure. » Ce n'était qu'à ses clients les plus considérés qu'il témoignait une telle marque de faveur. « Pour Amoric, » dit Yvonne. « Bon, bon, salut Amoric. » Amoric jouissait d'un crédit comme tous les gens à revenu fixe. « Kenavo, » dit Yvonne, et elle partit. « Ah, c'est une jolie fille. » « Oui, et une fille convenable. » Moi, je ne disais rien, je me contentais de hocher la tête. Je terminais mes emplettes sans trahir la moindre hâte. Il fallait être rusé dans l'île. Hey, « Hé, Antoinette, Joséphine !» cria Joël. « Il faut me rappeler de porter ces marchandises à la villa des Tempêtes. Il faut atteler, à 7 heures. » En effet, Joël possédait un équipage, bien que les plus grands voyages qu'on pût faire dans l'île représentassent 1 heure de chemin. Son cheval était gros et grand et avait aux jambes de longs poils de véritables choses de fourrure. L'attelé était une véritable comédie. Puis Joël, botté et éperonné, s'asseyait sur le siège et filait dans un bruit de ferraille. Brrr ! Et déjà, il était revenu. « Il faut bouchonner Zéphyr et l'étrier. » Il faut donner de l'eau à Zéphyr. Rrr, rrr, paix là, Zéphyr. Bon, je m'en allais. Bonsoir. Dans la lande, je rattrapais Yvonne, je l'appelais et elle s'arrêta. Nous avons le même chemin, Yvonne. Oui. Elle sourit. Je vis comme son cœur était simple et bon. Tu me connais bien, tu te rappelles bien. Yvonne se mit à rire. Oh oui, elle n'avait pas oublié. Dire que je ne t'ai jamais revue. « Je vais pourtant bien souvent à Créache. Où as-tu donc été tout l'été ?»« Moi, dans l'île. Je t'ai vu souvent. »« Oui, attends donc, non. Je n'ai pas été toujours dans l'île. J'étais 15 jours à Brest. »« Ah, tu vois ?» Et Yvonne se dépêcha de me raconter ses aventures à Brest, la grande ville mondiale. Elle avait aussi été au théâtre et avait vu une pièce qui s'appelait « Salade de gifle ». Un riche paysan venait à Paris et louait l'appartement d'un joyeux célibataire. Et la fête commençait, il recevait des gifles de tous les côtés. Il recevait tout le temps des gifles, racontait Yvonne. Il venait des créanciers du célibataire, clac, des jaloux, clac, ah ah, tout le temps ça claquait. Ah ah ah. Nous marchions dans le vent, courbés en avant, et nous nous regardions dans les yeux, en bavardant et en riant. Yvonne parlait du fond de la gorge, et son rire franc semblait venir des lointains. Quel âge as-tu, Yvonne ? « Attends un peu, j'ai 19 ans. » Je la regardais, elle était grande et forte. Et tu as bien un amoureux. Ah ah, à quoi il va penser? Non, non, non. » Yvonne se mit à rire. « Elle me plut.